Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Dev & Retry, le podcast sur le développement de jeux vidéo d'un point de vue professionnel ou presque. Je suis Vincent Constantin et ce soir nous allons discuter du playtesting. Et quand je dis nous, je vais bien sûr parler de Marie Marquet. Bonsoir. Guillain. Bonsoir. Benjamin Dimanche. Bonsoir. Ah moi j'ai le droit à mon nom de famille. Avec... Tout le monde a eu. Ah oui, je crois, ok. Ouais, ouais. Voilà, c'était moi. Et toi, qui es-tu? Ah, non, je l'ai dit. Je l'ai dit cette fois. Ouais. C'est pour ça que je me suis mis en premier. Sûr de l'avoir dit. J'ai le truc sous les yeux, je sais. Qu'est-ce que je veux dire par contre? On va squeezer la partie quoi de neuf parce qu'on n'a pas grand-chose à dire tous les quatre ce coup-ci, d'autant que cette émission n'est pas enregistrée. Elle est enregistrée un peu plus tôt. Que d'habitude, ouais. Ouais, voilà, que d'habitude, parce que voilà, les emplois du temps font que. Pas des masses de choses à dire, donc on va directement passer au sujet de ce soir après cette petite virgule. Virgule. Le playtesting, donc est-ce que l'un de vous pourrait nous expliquer ce que c'est que le playtest? C'est moi qui réponds alors? Ouais. Oui. Alors le playtest, c'est quand pendant un développement, on arrive à une phase où on commence à tester le jeu. Donc ça peut être au départ avec seulement des placeholders ou plus tard avec un jeu parfaitement fini pour voir les choses à changer au cours du développement. Et voir les réactions des utilisateurs. En fait, ça te sert à repérer les failles auxquelles tu n'avais pas pensé. Mm-hmm. Quand tu réfléchis à ton jeu, donc, tu vas avoir toute une réflexion qui est personnelle, mais donc tu es dans ton monde à toi. Mais dès que tu vas pouvoir donner ce jeu à d'autres personnes qui vont le tester, eh ben, ils vont avoir une vision complètement différente. Ils vont te casser les trucs dont tu n'avais absolument pas prévu. Et donc les playtests, ça sert à ça. Ça sert à tester avec une vision différente. Et à te rendre compte des manières de jouer, d'utiliser et de réfléchir le jeu d'une autre manière, et donc pour réorienter ton développement. Mmh. C'est donc confier le produit en cours de développement à son utilisateur futur et pour voir déjà si on se dirige dans la bonne direction avec le concept en cours de développement. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs aussi précision, il ne faut pas confondre playtest et test de qualité assurance. Sont pas les mêmes personnes qui font ces tests-là. Les playtests sont faits par des joueurs lambda que l'on invite dans les studios. Là, ils sont rémunérés en bonbons ou en bons d'achat ou en ce genre de choses, quoi. Parfois en badge aussi, tout simplement. Ou parfois en honneur de. En honneur de tester le jeu en avance. C'est ça. Et le QA testing, donc la qualité assurance, c'est des professionnels vraiment qui font ça. Ils sont payés et ils doivent tester le jeu. Mal payés. Oui. Pas dit. C'est une passion ou c'est pas une passion? Ça, c'est une bonne phrase. C'est vraiment eux, par contre, qui doivent casser le jeu, faire ressortir tous les bugs pour ensuite les faire remonter aux développeurs pour que les développeurs puissent les éliminer du jeu avant sa sortie. D'ailleurs, on disait tout à l'heure en off que c'était un métier un peu de gros maniaque. Ouais, clairement. Voilà, il faut être un petit peu. Il faut bien aimer que ça soit bien rangé, il faut aimer faire toujours la même chose en boucle pendant un certain temps sur un niveau. Et en fait, quand on est gamin et qu'on a envie de bosser dans les jeux vidéo, on dit souvent je veux être testeur de jeux vidéo. Et en fait, c'est très très éloigné de la réalité de ce que c'est être testeur. Ouais, c'est pas du tout ce qu'on imagine, mais c'est déjà prévu. Enfin, c'est sûr, on fera une émission sur le QA un jour. Voilà, bon, probablement pour la saison 3, mais voilà. Je te soumettrai peut-être un invité. Oh, super. Oh. Ouais. Oh. Qui sait, peut-être que d'ici là, j'aurais fait un stage moi-même en QA. Et Vincent est son propre invité sur cette émission. Mais alors, du coup, comment choisir les playtesteurs? Qui c'est que l'on invite pour faire des playtests? Du coup, tu fais du QA ou du playtesting, on va dire, pour une audience? Là du coup on parle de playtesting. De playtesting, ouais. Alors en fait tu vas simplement selon moi déjà les premiers playtesters que tu dois inviter c'est la cible de ton jeu. Ceux que tu as ciblés, donc caractéristiques de joueurs. Donc par exemple tu fais un platformer, tu vas cibler des joueurs qui jouent déjà au platformer, qui connaissent un peu le genre de jeu, qui vont pouvoir te penser un peu les mécaniques pour que déjà ça aille dans ton sens. Et après au fur et à mesure élargir à pourquoi pas des gens qui n'ont jamais touché pour voir leur réaction d'un point de vue complètement néophyte et avoir donc ces différents points de vue là. Mais après ça se fait pour moi par phase, donc d'abord t'as la phase vraiment... purement, on va dire confirmé, ceux qui connaissent les mécaniques du jeu en général sur le genre et qui vont pouvoir rentrer facilement dans ton projet pour avoir cette vision que tu partages avec eux. D'accord. Toi, quand tu as fait des playtests pour Arashi, j'imagine ? Ouais, j'en avais fait. Ouais. Donc, du coup, les premiers joueurs que tu as invités, c'était des gens qui touchaient aux jeux de plateforme Bah, concrètement, c'était surtout les gens de l'école, parce qu'on faisait les playtests en interne. Mm-hmm. Donc, on prenait quand même toujours des gens qui étaient pas, qui connaissaient pas forcément le projet, pour avoir un regard neuf. On demandait quand même quel était le genre de jeu privilégié. Donc, souvent, quand on fait du recrutement pour les playtesting, on va faire un petit questionnaire au départ, donc pour savoir les genres de jeux, le temps de jeu par semaine, enfin avoir des informations un petit peu sur les joueurs qui vont jouer. On avait essayé de cibler les gens qui connaissaient un peu le genre pour commencer. D'accord. Marie, toi, tu avais un projet assez particulier, en réalité augmentée. Comment est-ce que tu as choisi les gens pour participer à tes playtests sur Montpellier Discovery ? On a fait des playtests un peu tout le long du développement. Au tout départ, on a pris nos amis proches parce que c'était le plus simple à expliquer en détail quand c'était exclusivement des playsodeurs. Et on a ensuite élargi notre cible pour finir par les enfants. Parce que, enfin, même si on a fait petit à petit, on a vraiment fini par les enfants. C'était les plus compliqués, donc il nous fallait une certaine expérience du playtesting avant de passer sur les enfants. Je rappelle que notre public cible, c'était à la fois les jeunes adultes, les familles, les enfants. Enfin, c'était un peu tout le monde. Donc là, on avait le choix. Je n'avais pas de public cible. Non, en fait, j'ai pas de public cible. Si les seniors n'étaient pas vraiment notre cible. Mais dans l'idée, on a fait au plus simple au début pour s'expérimenter et plus compliqué ensuite quand on a eu l'expérience. Alors, du coup, tu dis que tu as commencé par faire playtester Montpellier Discovery à tes amis. En principe, ce qu'on entend un peu sur le playtest, c'est que surtout éviter de faire tester son projet par ses amis et sa famille. Alors, nous, c'est ceux qui, bizarrement, nous ont fait les meilleurs retours parce qu'ils voulaient s'investir à fond. Donc, il y en a même qui l'ont fait. Je me rappelle une amie de la personne qui était en communication qui l'a testé 5-6 fois pour bien... alors que, normalement, c'est une expérience assez unique. Elle l'a testé 5-6 fois d'affilée pour voir tous les petits bugs et détecter tout ça. Nous, après, on avait un testeur QA en plus. Qui est celui qui avait sans doute le repéré le plus de bugs, mais on avait quand même besoin de playtesters pour connaître la vie des gens et voir leurs réactions À chaud. Mais justement, si... Pardon, tu voulais dire quelque chose, Ben ? Non, vas-y, vas-y. Généralement, on évite, quand on organise des playtests, d'inviter ses amis ou sa famille, c'est parce qu'on a besoin d'un regard extérieur sur le jeu, de quelqu'un qui n'est pas motivé par l'envie de vous faire plaisir, ou bien si c'est des gens avec qui vous entendez pas motivé par l'envie de... Justement, par rapport à ça, en fait, d'avoir des personnes, on va dire, proches, qui savent en fait l'intérêt du playtest, il va y avoir un avantage, c'est qu'ils vont être très sincères avec toi. Parce que les gens que tu prends complètement extérieur, ils vont avoir tendance à pas vouloir te casser, à être bienveillant. Alors qu'un ami proche qui sait l'intérêt du playtest, eh ben, il va être cash avec toi, il va te dire ça va pas, là j'ai rien compris. Il va te dire les choses sincèrement. Après, il faut bien sûr qu'il sache, qu'il connaisse, qu'il ait le temps de bien faire les choses. Mais c'est quelque chose que tu peux retrouver plus facilement qu'avec un public plus large qui fait le test à la va-vite et qui te donne des retours, on va dire... classique, vite fait le ressenti au départ et qui va pas vraiment pousser le playtest. Alors moi j'ai eu les deux types de cas, j'ai eu des amis qui étaient là, oh mais c'est génial ce que tu fais voilà machin, tout mignon et tout, et alors qu'il y avait beaucoup de choses à dire à l'époque, et j'en ai eu d'autres qui étaient là, qui travaillaient dans le jeu ou qui ont travaillé dans le jeu et qui ont démonté un maximum de trucs, mais à l'extrême, c'est-à-dire qu'il y avait des trucs c'était des petits détails qui n'avaient pratiquement aucune importance et ils sont amusés à les démonter un par un. Bon, après, c'était cool parce qu'on avait... Alors, dit comme ça, ça n'a pas l'air cool, mais en vrai, on était contents d'avoir ce genre de retour parce que c'était les premiers retours bien détaillés qu'on a eu. Mais après, c'est à toi de prioriser, en fait. C'est ça, exactement. Voilà. Mais justement, les professionnels de l'industrie, c'est aussi une problématique un peu particulière en termes de playtest parce que souvent, on a tendance à pas aller trop les chercher, en tout cas, à pas trop les vouloir. Sauf si on veut vraiment un insight très précis sur des points, on a plutôt tendance à dire on veut des gens qui soient un peu moins experts parce qu'eux vont s'attarder sur des choses qui sont pas forcément ce qu'on cherche à détecter avec des playtests, quoi. C'est ça. Quand faire des playtests du coup? C'est le premier, j'ai le droit de le dire. Ça va. Quand faire des playtests, on conseille largement d'en faire tout au long du développement. Et je confirme, parce qu'on a des features qu'on pense absolument fantastiques quand on les essaye entre nous, parce qu'on en a parlé longtemps. Et quand on pose un utilisateur devant, il nous fait « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Nous, ça nous est arrivé une fois. Et on était bien content de l'avoir fait playtest à ce moment-là, sinon on aurait continué dans une mauvaise voie et on aurait dû tout refaire. Donc je conseille vraiment tout au long du développement. Bah, globalement, c'est à chaque fin de sprint. Dès que tu as implémenté une mécanique, une feature, c'est ça. Il faut tester séparément. Et après, faire des tests, on va dire, plus mensuels à chaque milestone pour avoir des versions du projet. Et donc, comme ça, tu vas te retrouver avec des playtests qui sont plus petits, qui sont vraiment ciblés sur une feature en particulier, et d'autres qui vont être plus pour l'aspect général du projet, mais à plusieurs étapes du développement. Donc on commence les playtests le plus tôt possible, dès qu'un prototype est là, et ensuite on poursuit les playtests de façon régulière à chaque fin de sprint, donc comme tu l'as dit, à chaque fois qu'une milestone est faite, donc potentiellement voilà, tous les mois, tous les deux mois. Ouais, à peu près. À peu près. Comment se déroule un playtest, justement? Entrons dans le cœur du sujet. Qui veut y répondre? Tu signes un NDA, et après, voilà. Et pouf, c'est magique. Ah, mais alors, et après, tu sais plus en parler. J'ai jamais signé un NDA quand je voulais faire des playtests. Ah bon? Ouais. Ah. Bah, vous en avez ça signé, dépend. Après, ça dépend des types de jeux sur lesquels tu vas playtester, quoi. Ouais. Ça dépend des projets. Après, NDA, ça va dépendre de la politique des studios. Des fois, juste qu'un studio est confiant sur son projet, qu'il n'y ait pas de NDA, comme ça, ça lui permet de faire de la pub. Toi, tu vas en parler avec tes collègues. Mmh. Mais après, ouais, c'est vrai que les plus gros projets, souvent, ils sont sous NDA. Mmh. NDA, on rappelle ce que c'est. Donc, c'est l'acronyme de Non-Disclosure Agreement. Donc, ouais, pour ça. Clause de non-divulgation, donc il vous interdit de vous parler du projet en cours. De ce que vous avez vu, voilà. Tout et tout. D'en parler à la presse, surtout. Mmh. Enfin, d'en parler des organes de communication, parce que si tu en parles à quelqu'un de proche, ça va, c'est pas hyper grave. Mais... Il faut quand même mieux éviter. Hein. Il vaut mieux éviter, mais après. Bah, faut éviter. Voilà. Si on te fait signer un truc, c'est pas pour rien. Non, mais ça dépend le style de NDA aussi, quoi. Ouais. Il y en a qui sont plus rudes que d'autres. Ouais, mais après, bon. Des projets qui sont. Enfin, généralement, ils font ça pour se couvrir si jamais il y a une vraie fuite, quoi. C'est ça. Bah ouais, puisqu'en plus, quand on organise un playtest, forcément le joueur qui vient teste un produit qui n'est pas finalisé, loin de là, et ça peut être problématique si l'expérience qu'il a en cours de playtest n'est pas terrible et qu'il commence à propager que le jeu va être nul alors que c'est pas représentatif de ce qu'il sera finalement, c'est sûr que ça peut poser du coup de sérieux problèmes de communication, quoi. Dans quel environnement du coup est-ce qu'on met les... Ah putain, deuxième fois que j'ai dit. Attends, on n'a pas fini d'expliquer comment ça se passe un playtest. Ah, oui. On a du numéro 1 d'étape 1. Non, mais j'étais dans la sous-partie de cette partie là mais d'accord, si tu pardon non, il n'y a pas de soucis, coupé. Non mais vas-y du coup. Non mais vas-y, je n'en ferai rien. Je sais plus ce que tu voulais dire. Alors, c'était peut-être vachement plus intéressant. Non mais sûrement, mais je te laisse y aller. Et puis j'irai ensuite. Non, sans le retry. Bon, tout ça sera coupé au montage, donc je m'en fous. Je fais plus de montage moi sur cette émission. C'est fini. Ah, on a intérêt d'être bon le premier coup. Mais enchaîne Vincent, finis ta question. Bon d'accord, allez. Dans quel environnement, je reprends, les playtests doivent-ils être organisés? C'est un peu quelle perception t'as envie que la personne qui va tester ton jeu ait. Et en fait, ça va, enfin, si t'as vraiment envie d'avoir des retours, on va dire, objectifs neutres, t'as juste à faire ça dans tes bureaux, dans un lieu clos... de préférence sans qu'il y ait des copains de la personne pour pas qu'il y ait d'effet de groupe, on va dire, sur le playtest. Donc que les joueurs soient isolés avec eux-mêmes, sauf en cas de jeu collectif, bref. Enfin, ça va dépendre bien sûr de chaque jeu, de chaque projet. Mais c'est sûr que si tu as envie qu'un journaliste parle en bien de ton jeu, t'as plutôt intérêt à lui donner tout le package qui va avec en disant tiens, on t'a payé l'hôtel 4 étoiles, t'as pas mal d'activités à côté, juste pour qu'il gagne un... Mais là, c'est pas un playtest. Ouais, c'est pas un playtest, mais c'est pour ça, parce que Vincent avait soulevé ce point, mais ça permet... Je fous la merde, hein. ça permet au studio ou à l'éditeur en question, en fait, de donner un ancrage positif à ce journaliste qui va du coup associer le séjour qu'il a passé au playtest du jeu et donc qui va donner quelques points en plus, on va dire, sur ce projet parce qu'il a un ressenti global positif. Mais après, sur le playtest en tant que tel, il n'y a aucun intérêt à faire ça. On veut juste des retours qui soient le plus objectifs possible. Donc, ouais, pour un jeu solo, mettre un joueur seul avec lui-même, découverte directement du jeu sans aucune explication. De voir comment il se débrouille en fait avec lui le jeu, quoi. Et donc ça permet d'avoir un point neutre. On le met derrière une pièce avec miroir sans teint. Figure-toi que ça m'est arrivé, ce genre de cas. Ah ouais, t'as fait un playtest derrière miroir sans teint. Je vais pas citer le studio, mais effectivement c'était un gros studio à Montréal, et en fait les salles de playtest c'était 4 salles de playtest différentes. C'était pour tester un jeu où on testait la composante online, donc on était chacun dans des salles différentes, et en fait les gens derrière avaient une vitre teintée de tout le long, et ils pouvaient voir tout ce qu'on faisait, ce qu'on disait à l'autre, alors qu'on était finalement, il y avait juste une cloison qui nous séparait. On savait pas que la personne avec qui on jouait était juste à côté de nous, quoi. Et d'accord. Coup, c'était marrant parce que après ils nous ont montré comment c'était. On est passé dans la salle derrière, et effectivement c'était des vitres teintées en fait. Derrière, avec 15 personnes derrière nous qui notaient tout ce qu'on faisait. Donc oui, parce que ça, ouais, faut le dire aussi, pendant les playtests tu te fais pas mal observer. Enfin, moi sur les quelques playtests que j'ai fait, à chaque fois j'étais filmé. Donc ça c'était pour les studios avec de l'extraction. C'est parce que t'es trop beau, ça. T'inquiète. Non, c'est sérieusement, après c'est juste pour... t'es filmé pour voir tes réactions en fait, quand t'as des phases d'incompréhension, t'as l'écran du jeu qui est filmé en même temps que toi tu es filmé, donc ça te permet en fait d'avoir les retours, les expressions, les émotions directes de quand tu joues, donc ça va te permettre de simplement lier l'incompréhension à ce moment là Il y a... Mute-toi la prochaine fois que tu manges un bonbon. Ça va, ça va. Tu peux te baisser, t'es juste en face en plus, t'as pas d'excuses. Allez, on se fait gronder. Hein. Oui. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Comment. Donc, du coup, il y a effectivement cette façon de faire de filmer la personne. Moi, ça m'est pas arrivé, je suis assez déçu, je t'avoue. Bah, ça, c'est quand tu veux. Quand t'as les studios qui mettent un peu, on va dire, les moyens. Ouais, mais justement, t'es allé où ? C'était à Fairy Games qu'ils avaient fait de... C'est pas hyper compliqué de filmer. En ouais, plus, ça donne pallie à un problème humain de pas pouvoir tout noter au moment où il y a un problème. Donc de pouvoir avoir l'enregistrement et de pouvoir revoir après. Ah ouais, je sais qu'il a bugué à tel niveau. Je peux aller voir effectivement quel était le problème, et donc de pouvoir analyser un peu mieux les réactions du joueur, analyser où est-ce que c'est précisément dans le jeu, etc., etc. T'as organisé des playtests comment, Guillaume, sur Arashi ? On était deux à prendre des notes. On regardait en fait principalement quel était le feeling par rapport au jeu. Juste sensation manette, sensation de déplacement. On essayait d'avoir le ressenti par rapport au déplacement. D'essayer de voir si toutes les mécaniques étaient comprises ou non. D'ailleurs, on a une mécanique qui a posé pas mal de soucis pendant tout le long du développement. C'était une mécanique de gestion de l'énergie pour avoir des super pouvoirs un peu pendant le jeu, sur la version étudiante du coup d'Arashi. Et ça, on a galéré pendant très longtemps à trouver une solution qui a, selon moi, pas été trouvée jusqu'à la sortie du projet étudiant. C'est pour ça que tout le long ça a été testé, on a trouvé des petites solutions, mais en fait ça demandait des gros axes pour changer le projet, des gros pivots on va dire, pour modifier ça. Ça demandait à faire quasiment pas le même jeu. Mais c'est le genre de décision qu'il faut pouvoir prendre quand on fait ces playtests-là. Parce qu'il y avait réellement des soucis de compréhension. Et donc, à voir si tu choisis de passer outre en te disant « Non, mais je veux que mon jeu soit comme ça. » Ou si tu choisis de te dire « Il vaut mieux prendre l'avis général du public qui ne comprend pas et changer cette mécanique qui pose souci. » pour que ça touche un maximum de personnes. Donc c'est juste la différence entre la vision d'auteur que tu veux apporter et la vision « je veux que le jeu touche un maximum de personnes ». Donc ça, c'était un des points sur le playtest. Et après, on notait ponctuellement en fait, les soucis de level design. À certains endroits, le joueur bloque, il y avait tel ou tel passage qui était un peu plus compliqué. On avait fait tracking de données pour permettre d'avoir les déplacements des joueurs et Attends. Ok. C'est le chat. je reprends à partir d'où ? Voilà, je sais pas trop. Ok, bon, ben on avait fait du tracking de données. On avait fait du tracking de données pour avoir tous les déplacements des joueurs et permettre de savoir à quel endroit ils tournaient ou. C'est l'invité de ce soir. Vas-y. Vous me dites quand c'est bon. Oh Ça va être sympa à monter. Encore un mieux pas. Vous voulez être reconnaissante en plus. Ah mais bientôt on va voir l'odeur. Ah parce qu'elle fait Ah bah oui, ah bah... Parce qu'elle fait quoi. C'est une litière. Je pensais qu'elle jouait moi. Non. Ah ça y est, elle a fini. Ok. Elle a fini, tu peux reprendre. Alors. Je ne sens rien pour l'instant, c'est peut-être juste. Alors, juste du coup, j'en étais où? Donc on avait récupéré toutes ces données-là pour vérifier en fait s'il n'y avait pas les joueurs qui mouraient à certains endroits ou s'il y avait certains passages qui étaient plus pris que d'autres. Tout ça pour en fait adapter le level design. Donc on avait récupéré donc des... je sais plus le terme exact, mais des maps avec tous les tracés des déplacements. Des Pathfinder. Ouais, c'est ça. Des Pathfinder. Donc on avait ressorti ça et en plus de ça on notait les passages où le joueur galérait en termes d'utilisation de la manette, compréhension des touches, le rythme d'apprentissage et la courbe de difficulté. D'accord. Donc on notait un peu tout ça sur on va dire sur les playtests générales et après pour tester les mécaniques, les features une par une. Pour tester les mécaniques une par une, on faisait plutôt des playtests, on va dire, locales, où on demandait au groupe de la salle d'à côté qui ne voyait pas régulièrement notre jeu de venir tester juste pour tester vite fait la feature. Quoi. Disons que ça ne demande pas la même mise en place pour les playtests, un petit test de feature pour voir si ça marche vite fait ou un playtest un peu plus général. Mmh. Et est-ce que j'ai une question qui me vient? T'es pas obligé. Ouais. Et Marie, par contre, ton projet étant un peu particulier, comment est-ce que ça s'est passé pour capturer le feedback des joueurs sur Montpellier Discovery? Alors, j'étais pas celle qui faisait le plus grand nombre de playtests, parce que je suis producteur à la base et que c'est pas vraiment mon centre de travail. Mais t'as mis une perturbe. Arrêtez de faire ça. j'avais des game designers qui recrutaient du coup des gens qui demandaient à leurs amis ou des gens donc on avait fait un grand appel à plein de personnes qui faisaient ça individuellement. On n'avait pas fait de groupe de personnes, je crois que c'est arrivé une seule fois, mais on tenait à ce que ce soit individuel parce qu'on tenait vraiment au playtest et d'avoir des résultats particuliers, sachant qu'en plus on a fait ça l'été, qu'il faisait 40 degrés, que je rappelle que Montpellier Discovery c'est dehors, et que je me rappelle que mes GD n'en pouvaient plus, mais on a eu des excellents retours, donc petit à petit noter les détails de ce qui pouvait remarquer chez le joueur. On avait de gros problèmes avec la réalité augmentée aussi, donc on notait les problèmes qu'il y avait, ce qu'on pouvait arranger, etc. Et à la fin, généralement, quand c'était des amis, on leur payait un coup et on leur posait des questions bien ciblées pour avoir un retour utilisateur précis. Et c'était comme ça à chaque fois. Après, ce qui était plus difficile, et c'est là où je m'en suis occupée, c'était pour les enfants. Yes. On voit le regard de Marie qui n'aime pas les enfants. Non, c'est ce que tu dis. Non, j'aime bien les enfants, c'est juste que c'est un peu plus compliqué à gérer qu'un adulte, et enfin ça dépend, mais au moins ils sont très clairs dans leur jugement, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'aime pas ce que tu lui présentes, il s'en va. Donc c'est arrivé une fois, mais seulement une fois, et après toutes les autres fois c'était super, c'était les plus gros retours qu'on ait eu, c'était les enfants qui étaient trop contents de voir des petits chats au jardin des plantes. Parce que je rappelle que dans mon Play Discovery, il y a des petits chats, ce qui est très important. et j'ai fait aussi des tests, par exemple, avec Ben. Moi ? Non, je veux juste préciser la timeline. Ouais. On a bu un coup avant, ce qui a fait que ça a biaisé complètement le playtest. Ouais, mais du coup, il était content. Non, quand c'est des amis, je bois un coup avant et après, ok, ça va. Mais non, j'étais pas celle qui prenait le plus de notes. Moi, j'y allais un peu au feeling, mais je sais que mes GD avaient vraiment une façon de faire. Ils notaient, et je sais que mes amis ont dit qu'ils se sentaient vachement observés. Mais voilà, en gros, c'était ça. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi, parce que au moment de tes playtests de mémoire, c'était tombé à un moment où il y avait un studio, on va dire, concurrent, qui faisait plus ou moins le même jeu. Donc, est-ce que ça change ta vision que tu as de faire des playtests à ce moment-là? Alors, non. Je sais qu'on a fait quelques playtests en même temps. Je sais que j'ai playtesté leur jeu, que ça m'a permis d'avoir une autre vision aussi d'un jeu de la même façon. Donc ça nous a aussi aidé de pouvoir voir ce qu'ils faisaient. Et au contraire, nous, on a playtesté leur jeu plusieurs fois pour voir comment ils appréhendaient les choses. Là, on ne parle pas du tout de playtest, c'était juste pour voir comment ça se passait, comment eux, ils avaient réussi à faire le truc. Nous, c'était déjà fixé dans tous les cas. Mais ça nous a fait des playtests en plus, finalement. Ouais, ça te permettait d'avoir une vision en fait, qui était complémentaire. Exactement. Exactement. Comment est-ce que vous favorisez l'honnêteté du joueur qui vient playtester votre truc? Ah bah généralement on le fait picoler. Hein. Non, ah, pas du c'est tout. Pour les enfants aussi. C'était ça. L'honnêteté. Tu lui demandes surtout pas d'être honnête. Ouais. Ah non, c'est terrible. Tu prends les retours qu'il te dit. Mm-hmm. Non, moi en général j'insiste un peu. Et ça marche. J'ai dit, mais t'es sûr qu'il n'y a rien qui t'a dérangé? J'étais sûr, vas-y, même le moindre truc, tu peux y aller. Et en général, elle a fait, ouais, c'est vrai que là, à ce moment-là, et là, t'as un bon retour. Alors, de mon expérience aussi, j'ai fait des playtests où, à la fin, j'avais un entretien avec le coordinateur de playtest. Et du coup, c'était difficile pour moi d'être honnête parce que ben, je ne me voyais pas dire à la personne que je trouvais que son projet, il pêchait par certains endroits. Enfin, j'étais pas là pour gâcher la journée de personne, tu vois, mais en fait, c'était le but, c'était d'être honnête, mais je trouve ça compliqué. C'est pas quelque chose d'évident, je trouve, de faire des retours négatifs à quelqu'un, surtout sur un projet où il s'implique énormément. Est-ce que les retours que vous avez récupérés à chaque fois, ils étaient avec la personne? Est-ce que vous avez juste récupéré des retours écrits? Comment vous allez gérer ça? En fait, ça va dépendre. Soit tu peux faire des playtests où donc ils te donnent des ressentis. Le ressenti vaut mieux que ce soit chaud, donc dit rapidement à l'oral. Ou ouais. La personne te dit ah ouais, ben là je trouve que c'est comme ça. Ouais, je me sens bien. Le feeling il est bon. Et de toute façon, c'est généralement les retours qui vont te sortir spontanément. Mm-hmm. La personne qui va jouer va prendre la manette dans la main et va directement te dire ouais, le feeling il est trop cool. Mm-hmm. Il va avoir une réaction de je comprends pas comment il faut jouer. Enfin, ça, tu vas voir les retours qui vont être spontanés là-dessus. Et après, je suis en train de me perdre. C'était quoi ta question? C'était comment est-ce que tu favorises l'honnêteté du joueur et du coup, comment est-ce que tu récupères ses retours? Moi, généralement, j'avais tendance à leur dire soit plus négatif avec moi que ce qu'il faut, parce que comme ça permet de casser un peu la bienveillance. Bon, bien sûr, quand tu fais ça, il faut vraiment mettre son ego de côté et se dire que de toute façon tu vas trier tous les retours qu'on va te donner, mais il faut que tu mettes ton ego de côté et que limite la personne soit plus aille chercher des petits trucs qui vont pas et qui peuvent te donner des axes d'amélioration. Après, moi, j'avais potentiellement un moyen de rebondir, si tu le souhaites. Vas-y. On parlait des retours de qualité, et j'en profite pour faire un petit laïus. Playtester ou faire tester son jeu à un événement n'est pas un playtest. Mmh. Ouais. Je pense que les événements, il vaut mieux se concentrer à convaincre les gens que c'est un bon jeu plutôt que d'essayer de le faire en tant que playtest. Tu auras forcément des informations, des retours, des feedbacks, parce que, en plus, c'est toi qui es présent. Tu auras quand même ces informations là, mais je pense pas que ça soit autant qualitatif que quand tu fais un vrai playtest sérieux. Oui, mais c'est pas pareil. Enfin, tu playtestes pas vraiment. Disons que tu cherches plus à avoir un retour d'engouement quand tu fais un événement. Ça dépend le type d'événement que tu fais. Ça dépend. Là, je pensais aux gros salons, les Tous Game Show, les Paris Games Week. Ouais, mais tu sais, c'est difficile dans les gros salons quand il y a plein de choses à côté de aussi réussir à convaincre et. Finalement, c'est pas parce que le salon est gros que tu vas avoir beaucoup de monde sur ton stand, parce qu'il y a plein d'autres conditions qui sont là. Enfin, tu vois, ça permet de voir si malgré le fait qu'il y a plein de trucs qui sont attirants à côté, de voir si tu arrives à retenir une partie des joueurs. Ouais, mais t'as tellement un gros biais sur l'événement que c'est difficile de dire que après ça va convaincre les gens en dehors de l'événement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, t'es peut-être avec 4 potes, et donc du coup, les 4 potes, tu vas dire ah bah c'est cool, il y a un jeu multi, je vais jouer avec 4 potes parce que on est là dans l'événement avec mes potes. Mais après, en dehors de ça, est-ce que ton jeu il va quand même fonctionner quand les gens ils sont installés sur un canapé chez eux et qu'ils l'ont acheté et qu'ils jouent vraiment avec 4 potes pendant une heure, tu vois? C'est pas tout à fait les mêmes types d'infos. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis que c'est différent en termes d'informations ce que tu auras sur un événement. Après, je trollais un petit peu comme d'habitude quand je disais qu'un événement, c'est pas faire un événement, c'est pas forcément faire un playtest. Mais après, voilà. C'est juste tu pourras pas mesurer la même chose. Et c'est juste ça la nuance que je voulais apporter. Non, mais c'est clair que tu as eu raison, mais je pense que quand même le salon ça te fait quand même un bon test de rétention, comme je disais tout à l'heure. Un playtest, tu fais tester le jeu à la personne et ensuite tu vas lui poser plein de questions, il va passer du temps avec toi pour que tu puisses récupérer tous ses feedbacks. Ça tu peux pas le faire dans un événement, le gars il est là, il vient, il joue à ton jeu, il se casse. Donc, tu peux pas du tout récupérer la même masse d'informations. Donc, tu fais un peu de playtest forcément parce que ton jeu il est en développement, donc tu récupères toujours des informations, mais c'est plus de la communication et voir effectivement si ton jeu plaît, mais c'est pas tant un playtest, je pense. Au passage, j'y pense, pour ceux qui écoutent, si jamais vous faites des salons de ce type, il faut que vous ayez une version spéciale pour ces salons, parce qu'il faut que votre partie elle dure maximum 10 minutes par joueur. Parce que et 10 minutes encore c'est un grand maximum, donc faire des versions spéciales. Bah parce que simplement en fait les gens qui viennent à ces salons ils sont occupés, ils ont plein de trucs à voir. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec Ben, c'est que en fait les joueurs ils vont être là, il faut de la rétention immédiate et que le joueur il se dise bah c'est fun, vas-y j'ai envie de jouer avec mes potes maintenant, là de suite, qu'on fasse une petite partie et qu'on se casse jouer au Call of au dernier qui est là-bas à l'autre côté du stand. Parce que toi, tu es sur le stand indé, il faut savoir que ce genre de stand, c'est pas ce qui attire le plus de monde sur ces salons. Et donc, il faut vraiment que tu arrives avec les. Poser tes couilles sur la table, pour parler vulgairement, et sortir un truc qui envoie, quoi. T'es en retard. Merde, et tu lags sur la censure. Nous, on avait participé à des salons avec Montpellier Discovery, on a participé à 2 salons, et on avait fait une version spéciale pour les salons. Et on avait fait un truc assez marrant, on avait pris des maisons miniatures en papercraft et on avait mis de la réalité augmentée dessus et on avait dit on avait dit vous voyez ça, et ben vous allez avoir pareil dans la ville et ça sera pas des maisons en carton mais vous allez avoir des vraies maisons et il y aura vraiment de la réalité augmentée de la même façon avec des énigmes tout pareil là, sur le stand, enfin sur l'application. Et on avait fait aussi un truc, c'était on avait affiché des posters partout sur le stand et on avait juste à passer des tablettes qu'on prêtait aux gens et ils voyaient des personnages s'animer. Et en fait ça nous avait pas servi du tout de test mais ça nous avait servi de pour montrer ce qu'on était capable de faire avec la réalité augmentée et montrer à quel point ça allait être méga fun et qu'ils allaient kiffer. Du coup on a eu des super retours, on avait fait des jeux aussi des jeux où on pouvait participer sur Facebook, etc. Ouais, tu regardes plus si le concept te plaît qu'autre chose, quoi. Voilà, si le concept va potentiellement passer ou pas. Et voilà, ça a été un bon succès. Ouais, clairement c'est plus ça que d'ailleurs que tu testes en salon. Ouais, c'est par ça. Rapport à la bombe que t'as lâchée, quoi. Là clairement c'était pensé pour communiquer sur le projet, pour communiquer sur les features du projet, donc forcément ça a payé, quoi. Je vous propose que l'on se fasse une petite pause musicale. J'aurais dû la caler au moment du chat en fait mais bon tant pis, allez on s'écoute cette musique. Ouais. Mais quoi, mais c'est le pire. Vous connaissez probablement le roi Arthur, sa reine Guenièvre, son épée Excalibur et son enchanteur Merlin. Mais connaissez-vous l'histoire de la mort tragique de Lohôte, le fils d'Arthur et de Guenièvre ? Savez-vous qu'Excalibur n'était pas à l'origine planté dans un rocher et qu'elle est souvent portée par Gauvin ? Que Merlin est né de couvert de poils et doué de la parole ? On vous a encore ri au nez dans un dîner mondain parce que vous avez confondu le Perceval, le Père Lesvos, le Parisival, le Perceforest, le Parsifal et le Perceval en prose. Et vous n'êtes toujours pas sûr de la distinction ? Mais pas elle, putain ! Depuis les rives du lac Léman, où Arthur aurait vaincu le monstrueux chat de Lausanne, Laïs et Antoine vous aident à naviguer la riche multitude des légendes de la matière de Bretagne dans Rex Condam Resque Futurus, tous les mois sur Radio Kawa. C'est galère d'ouf. Ouais, tous les mois sur Radio Kawa. Et donc c'était la musique de Apex, ce super jeu qui vient tout juste de sortir, et c'était This is the Jumpmaster, je crois, de tête. Très plus le nom du compositeur, j'ai mal fait mon travail. Bouh. Bouh. Bouh. Eh bien, du coup, il nous reste encore quelques petits points à voir. Je voulais vous demander, du coup... Ça fait trois fois, j'ai remarqué. Et donc... Non, ça passe pas. J'ai pas le droit. Non, vas-y, commence ta phrase normalement comme n'importe quelle personne. Et donc Mais oui, tout le monde dit en ça. En fait... Voilà, bon. En fait... Non, ça passe pas non plus. Non. Non. Bon, je vais juste poser la question. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais juste poser la question. Ne me mettez pas la pression. Comment... Attends, c'est quoi la question ? Comment... Est-ce dur de recevoir certains feedbacks ? Parce qu'il y a, bah, du coup, les gens qui viennent playtester votre jeu, ils n'ont pas forcément conscience que c'est un projet qui est en cours de développement, même si, bon, ils sont, en théorie, ils le savent, mais ils n'ont pas conscience. Et ouais, ils peuvent avoir des mots un peu durs, surtout qu'on a une sensibilité un peu à fleur de peau, du coup, vu que on travaille depuis longtemps sur un projet, donc c'est très facile d'être blessé, mais il faut faire face parce que c'est pour le bien du projet. Je dirais même pas, c'est pas vraiment une question d'être blessé, c'est plus une question de j'ai une vision, je suis persuadé que c'est comme ça que ça doit marcher, et je dois repartir sur une autre version. En fait, c'est plus c'est pas que c'est vraiment que ça va te blesser toi en te disant j'ai fait de la merde. C'est plus que tu vas te dire en fait je suis parti sur une mauvaise direction depuis le début, et j'ai pas à me remettre en cause. Et c'est plus ce souci là que tu peux avoir sur des playtests, c'est de ne pas te remettre en cause par rapport au retour que tu as. Ouais, faut pas hésiter à se dire bon ok là ça marche pas, je dois repartir en arrière et ouais, mais c'est ça, il faut vraiment se rendre compte de là ça marche pas, et donc il faut que je change cette version-là du projet. Bon, après, ça dépend de l'équipe que t'es, si c'est un petit projet ou si c'est plutôt grande envergure. Mais si t'as vraiment des retours qui sont globaux et global. Bravo, non, c'était bien globaux. Ouais, c'était globaux. Bien. Et donc, si t'as ces retours-là, eh ben, il faut savoir te remettre en cause. Te dire, bon, ben là, j'ai peut-être pas la bonne vision qu'il faut, alors que l'expérience qui prime, c'est l'expérience du joueur au final, et te dire, ben, je vais changer ça. Ouais. Vas-y, Marie. Dit-elle avec le sel des développeurs dans la main. J'allais dire, il faut savoir que Ben vient de me filer un petit paquet de sel, et je pense que c'est bien adapté. Parce que, effectivement, quand j'ai eu mes premiers retours playtest, et particulièrement de mon QA tester, dont on parlera une autre fois, mais. J'étais très salée, d'où ma petite boîte de sel. Non, c'est que ça nous a fait un drôle d'effet. On avait quelqu'un qui était très minutieux et qui était capable de nous détecter un pixel de décalage. Et des fois, j'étais là en mode « mais on sent pas les couilles du pixel de décalage !» Alors que c'est important. Par contre, pour les playtesteurs en général... voilà, tu te remets un peu en question, ça fait un peu mal, mais c'est une bonne expérience de vie, je dirais. Ça apprend à prendre du recul et à se dire « bon, c'est pas grave ». On va arranger ça, tout va bien se passer. Prends une sucrerie maintenant. Oui, je garde le sel. Sel 100% larmes. Et est-ce que ça vous est arrivé que l'on vous fasse des retours sur quelque chose, qu'on vous dise que ouais, ça va pas, ça me plaît pas, et que vous tenez à ce que cette fonctionnalité-là soit dans le jeu et que vous l'imposiez ou pas ? Moi, en soi, je suis plus du team « il faut suivre l'avis des joueurs » et pas forcément sa vision d'auteur. Mais du coup, ça fait que sur le projet étudiant, donc, il y avait ces deux visions-là qui cohabitaient, comme on était, on va dire, deux lead project sur le jeu. En fait, il y en avait, donc il y avait moi qui était plus de l'avis, bah, ça marche pas, les gens comprennent pas, donc il faut complètement virer la feature. Et donc il y avait, je vais le citer, donc c'était Martin, qui, Martin Testard, qui bossait avec moi, qui était l'autre lead project sur le jeu, qui avait plutôt cette vision d'auteur, où il se disait, cette vision, c'est important pour le projet, on va pas balancer tout le projet en l'air. Au final, bon, ça a été gardé. Moi, j'ai toujours ce petit ressenti-là qu'on aurait dû virer ces choses-là depuis longtemps. Mais après, c'est simplement une vision qui est différente. Mm-hmm. Mais voilà. Donc, simplement qu'il faut savoir jongler avec ça. Au tout début du premier parcours dans Mopius que vous verriez, on a eu deux fois. C'est pas énorme, mais je comprends rien à l'histoire. Et en fait, la personne... Quoi ? Non. Bon, ah, quand même. Ah putain, c'était bien. Donc on a eu ça, mais en fait... donc ces personnes-là, dont toi Ben, vous n'aviez pas regardé la cinématique de départ qui explique le truc principal, parce qu'on avait discuté en fait. Oui. On avait dit de la merde, voilà, on avait commencé à discuter et il a dû beaucoup. Pas regarder, et à la fin il me fait j'ai rien compris, enfin j'ai pas compris au début, j'ai pas compris ce qui se passait. Donc ça par exemple, on le prend pas en considération parce qu'on prend du recul. Il y a eu d'autres cas où on a eu des choses qui ont été dites et on s'est rassemblés, qui ont été dites plusieurs fois. On s'est rassemblés, on a évalué les choses, on en a discuté pendant des heures, à savoir à poser le pour et le contre, à vraiment réfléchir à tout ça et ensuite prendre une décision. Mais on prend pas forcément tout en considération, sinon notre jeu, ça serait pas notre jeu finalement. Après, de toute façon, t'as forcément un moment où tu dois prendre en compte les erreurs qui sont importantes et les erreurs que tu pourras pas forcément corriger, quoi. Il y a des playtests où tu vas relever qu'il y a des fois des bugs mineurs ou des choses qui sont un peu moins importantes à corriger qu'une feature majeure qui fonctionne pas du tout, quoi. Mais nous, donc... on avait un classement des bugs. Mmh. Ouais, je crois que c'était de 1 à 5 et on corrigeait en priorité les bugs les plus importants. Il y en a qu'on soit passé à la trappe, soit on allait kill des... Ouais, bah tu kills la est-ce feature. Est-ce que quand tu dis bug, pas... est-ce que tu prends en compte aussi les incompréhensions de features ou les features à changer? Sinon, ouais, c'est mais ça c'était non, c'était un autre domaine. Non, je parlais vraiment du bug. Ok. Qui, par exemple, ce que j'appelle un bug, c'était un pixel de décalage. Ça, c'était priorité 5 parce que c'était pas grave. Et après, en ce qui concerne les features, non, c'était souvent des grandes discussions qu'on avait. Il n'y a pas de classement, c'était des discussions. Après, si vous vous étiez rendu compte qu'une feature était vraiment incomprise de tous vos playtesters, vous auriez peut-être dit, de toute façon, ça c'est sûr, on la kill et puis on passe à autre chose, quoi. Je me vois bien dire, non, je m'en fous. Peu m'importe, finalement. Bon, finalement, on l'a fait quand même, même si personne ne comprend. Si personne joue, c'est pas grave, on sera content. Non, effectivement, ouais. On kill la feature. Avant de passer au conseil, est-ce que vous avez encore des points à voir là-dessus, sur le déroulement d'un playtest? Simplement qu'il faut essayer de catégoriser les feedbacks qu'on va récupérer, donc qu'ils soient pour tel ou tel type de retour, donc que ce soit un feedback graphique, que ce soit du LD, que ce soit du ressenti, que ce soit sur des boucles de gameplay précises, d'essayer de catégoriser un peu pour que vous fassiez un tri préalable et que le traitement des données que vous allez récupérer soit plus efficace par la suite. D'accord, merci. Bon, du coup, c'est déjà un conseil, en fait. Ouais, c'est un conseil en soi, quoi. Ok. Quelqu'un a d'autres conseils, du coup, pour bien faire son playtest? Quelques bonnes méthodes à partager? Gardez son sang-froid. Mm-hmm. Entourez-vous de quelqu'un qui sait faire des playtests. Ouais. Tu vises quelqu'un? Non, pas forcément. Juste que, en fait, c'est mieux si quelqu'un a déjà un peu l'habitude de faire ça, parce que... c'est pas un point qu'il faut négliger. Je suis assez dubitatif de voir pas mal de studios confier ça simplement des fois à des stagiaires. Alors ok, c'est une bonne porte d'entrée, mais il n'empêche que le playtest c'est quand même important, et de pas le limiter qu'à un stagiaire. En tout cas, ça, je trouve que, j'ai vu beaucoup de studios faire ça, et je veux pas non plus leur jeter uniquement la pierre, parce que je sais que c'est compliqué et que c'est quand même hyper chronophage, mais il n'empêche que simplement s'entourer parce que c'est ça qui va forger votre jeu, donc c'est les premiers retours, et si vous voulez que ce soit vraiment bien fait, entourez-vous d'une personne compétente, ça peut très bien être un stagiaire, hein, si t'as pas ça. Mmh. Parce que les stagiaires sont aussi compétents. Oui. Mine de rien. Mmh. La plupart du temps, s'ils sont bien recrutés. Bah, aussi, le principe, c'est qu'ils sont formés par un vrai coordinateur de playtest, du coup, pour faire les choses bien. C'est qu'ils sont accompagnés par quelqu'un pour ça. Ouais. Donc, rester de sang-froid, faire playtester son jeu le plus tôt possible et de façon régulière, accepter les retours des joueurs. Tu fais les 10 commandements du bon playtester, ça. Il faut faire playtester aussi son jeu sur toutes les builds, on est d'accord ? Pardon, sur les builds, sur toutes les plateformes. Ouais. Bah en fait ça va dépendre l'intérêt, enfin si tu joues à la manette quoi qu'il a, en fait c'est plutôt le support de jeu que faire playtester une version manette, une version clavier si t'es sur PC, sur console. Mm-hmm. Parce que après globalement le support en soi c'est plutôt sur du QA testing pour voir s'il y a pas certains bugs qui arrivent sur une plateforme et pas sur l'autre. Mm-hmm. Mais après sinon le ressenti de jeu globalement avec les moteurs qui existent aujourd'hui ça va être le même, hein, à peu de choses près. Certaines petites features, par exemple si tu utilises le pavé tactile sur la PS4, mais ça peut être très rare. Ouais, non, mais par contre, effectivement, selon si tu joues sur Xbox ou PS4, par exemple, bah c'est pas la même manette, donc c'est sur certains contrôles, ça peut, tu peux avoir envie de les placer sur différents trucs. Enfin, hein, tu sais, le placement du joystick sur Xbox et sur PS4, il est pas au même endroit. Oui, mais enfin, franchement, ça reste du pinaillage à ce point-là. Ouais, bon, ouais, c'est pas faux. C'est pas comme si tu fais un playtest. Effectivement, si t'as ton jeu qui sort sur Switch et sur PS4, Xbox, mm-hmm. je pense qu'il vaut mieux que tu fasses un test sur Switch parce que c'est quand même pas du tout les mêmes contrôles, la même manette, la même façon d'apprendre des jeux. Ouais, ne serait-ce que pour vérifier comment les manettes réagissent quand tu les enlèves, quand tu les remets sur ton jeu, etc. Savoir si les personnes comprennent bien comment ça fonctionne, comment ça interagit avec ton jeu, quoi. Ouais, alors que PS4, Xbox, honnêtement... Ouais, t'as raison. Un peu de choses près, c'est pareil. Ensuite, on ne dit rien aux joueurs, on le laisse... tester le jeu sans l'influencer de quelque manière que ce soit, en lui présentant un contexte ou en lui disant c'est buggé, c'est normal. Bah, oui, effectivement, il vaut un petit peu mieux éviter en tout cas de trop le guider parce que forcément, en fait, je parlais des biais et ça introduit forcément des biais parce que si tu te dis bah, c'est bon, je sais que c'est buggé, bah, tu vas pas forcément commenter la même chose que si c'était pas buggé, quoi. Donc il faut faire attention à ces biais-là et je pense que c'est aussi des biais dans lesquels on parlait pour l'événement ou pour les événements. Enfin, ce genre de choses, il faut faire attention et donc ouais, éviter un maximum d'influencer la personne avec qui vous êtes en playtest. Ouais, et d'ailleurs, faire playtester du coup les joueurs tout seuls pour pas qu'ils soient influencés par le groupe un mec qui va dire oh mais tiens j'ai compris comment il faut faire ça et donc par mimétisme l'autre il va recopier, enfin il va regarder sur l'écran d'à côté, il va dire ah bah en fait je peux faire ça, ok. Ou à plusieurs si tu fais tester un peu test ouais un jeu collaboratif quoi. Ouais. En coop mais j'en ai fait un, hein, c'était pas forcément évident parce que de quoi tester un jeu coop, test en coop on était 3. C'était quoi le jeu si t'es pas encore sous NDA? Bah, je suis techniquement encore sous NDA. Mais... Ah mince. Mais c'est un jeu régional qui se joue en coop. Ah. Mais c'est juste que je peux... Enfin voilà, c'est... Enfin, j'ai trouvé que c'est un espace un peu compliqué pour s'exprimer et pour dire... Et en fait, finalement, la mécanique de groupe, elle s'est assez vite imposée, comme tu dis. C'est-à-dire que quelqu'un faisait un retour pertinent et les deux autres faisaient « Ah ouais. Mm-hmm. » Et puis finalement, vous avez rien d'autre à dire. Ah oh bah non, c'est bon, il a tout dit. Tu vois, et ça avait ça. Alors du coup, pour le débrief, je pense qu'on est passé à côté de retours qui pouvaient être un peu pertinents. Alors ok, ça a participé au fait qu'on ait testé la mécanique coopérative de ce jeu-là, mais ça a pas... Enfin, je pense que pour les débriefs, il aurait fallu nous séparer. Ouais, séparer pour les débriefs. Je sais que ça demandait une logistique qui était un peu plus importante, c'est-à-dire qu'il fallait nous faire sortir chacun de la pièce pour prendre les retours, etc. Comme la personne était seule, c'était pas forcément hyper évident. Mais après, ça donne des retours qui sont peut-être un peu plus pertinents et peut-être des retours qu'il n'y aurait pas eu si il n'y avait pas justement cet effet de groupe où chaque personne aurait cherché à trouver un truc à dire et qui aurait sûrement été différent des autres personnes qui étaient testées. Ouais, j'ai aussi testé, playtesté un jeu en coopération et le débrief s'est fait en présence de la personne avec laquelle j'ai joué. Et aussi, bah, ça a été compliqué. En plus, j'ai joué avec quelqu'un qui était vraiment très, très enjoué, très enthousiaste par rapport au jeu. Moi, je l'étais un peu moins. Et c'était compliqué quand le coordinateur nous demandait notre avis et que le premier disait qu'il trouvait ça trop bien. Moi, j'avais du mal à passer derrière en ayant un avis un peu plus modéré. C'est tout le principe de l'expérience de Solomon H. Je cale ça comme ça. Voilà. voilà. Ok. Pas de conseils supplémentaires à rajouter ? Non. Non. Je pense qu'on a à peu près tout dit pendant l'émission. Ouais. Bon, de toute façon, après, c'est juste des éléments qui seront spécifiques à votre jeu. Et donc, il faudra adapter. Enfin, il n'y a pas une règle universelle pour faire des playtests. Mmh. Donc, on vous a donné des conseils généraux. Mmh. Et donc, à vous de trouver des petits trucs qui feront les petites astuces pour playtester votre jeu. Quoi. Mmh. Ouais, n'hésitez pas à demander d'ailleurs à des gens qui ont aussi fait des playtests. Si vous en avez autour de vous, ou si vous avez des associations professionnelles à chaque poche dans vos régions, il y a plein de gens qui font des playtests tout le temps, donc juste discuter avec eux, c'est bien. Je t'en prie. Je comptais le dire à la fin, le garder pour les bons plans de la fin. Je te laisse. Mais vas-y, si tu veux. Non, c'est bon. Ça me fait plaisir que ce soit toi qui parle de push tart pour une fois. Oh Ça glace. Attention, du drama en plein milieu de l'événement. Attention. Je dis pas ça pour t'attaquer, je dis juste ça parce que c'est tout le temps moi l'émissaire de Push Start et donc c'est bien de passer la parole à d'autres gens. Je suis content de faire ça. Alors on a chez Push Start, on a une base de données de playtest où vous pouvez vous inscrire de n'importe où d'où vous venez, vous êtes les bienvenus. Ça permet au studio de vous regrouper et de voir vos profils et de vous faire playtester les jeux de la région. Donc on vous invite à vous inscrire dessus et vous pourrez retrouver région de Montpellier sur Montpellier, le Facebook, le Twitter de Push Start. Tout à fait. Et en plus, ça peut intéresser les entreprises qui pourraient nous écouter d'avoir cette base de données de playtest. On a déjà environ 270 inscrits, je crois. Près de 300, ouais. Ouais, près de 300. Ça a été rapide. Hein. Ouais. Mm-hmm. Push Start, ça devient le nouveau Kingdom Hearts, en fait. C'est pas parce que vous êtes 3 du CA dedans, c'est rien à voir. Non, il voulait placer son Kingdom Hearts. Oui, je l'ai subtilement placé comme ça. Ah oui, subtilement. Franchement, ouais. J'applaudis. Merci. Subtil, parfait. Magistral. Ok, bah du coup, si vous voulez participer à des playtests, vous pouvez effectivement vous renseigner sur ce formulaire-là. Également, bah, vous pouvez vous abonner à la newsletter d'Ubisoft, Ben, c'est ça qui est... Je ne sais pas si c'est la newsletter directement d'Ubisoft, mais ils font des playtests et c'est un site dédié, je crois que c'est GameLab. GameLabUbisoft.com, un truc comme ça, l'adresse du site est... Vous pouvez vous enregistrer au playtest et enfin, je sais pas comment ils font leur truc parce que j'ai même reçu des invitations moi de Montreuil pour les playtests. Moi aussi, c'est les seuls, il n'y a que Ubisoft Montreuil qui me prend à chaque fois. Ah. Non, je pense que mon profil était dans le cœur de cible d'un jeu d'Ubisoft Montpellier parce que j'ai reçu beaucoup d'invités et j'ai jamais pu les faire malheureusement. Mm-hmm. Voilà, sinon, bah, s'il y a des studios qui vous intéressent, souvent vous pouvez rester à l'affût des news des studios. Ils proposent de participer à des playtests de temps en temps. Vous pouvez, Souvent, vous avez des formulaires d'inscription directement sur leur site. Ouais. Donc pensez à checker. Ouais. Il y a beaucoup de jeux en ligne aussi qui recherchent des playtesteurs. Ouais. Voilà. Après, si vous êtes étudiant en jeu vidéo ou si vous travaillez déjà dans le jeu vidéo, c'est rare que vous obteniez des réponses positives. Ça arrive, c'est quand même un peu plus rare. On est d'accord. C'est pas une raison pour tricher. Hein. Ok, sur ce, on va passer à la partie auto-promo. Ok. Je sais pas, il y avait un blanc, alors j'ai dit ok. je réfléchissais, est-ce qu'on a une virgule à cet endroit-là ? Non, on n'en a pas. Bah, moi j'en ai une petite affaire. Donc, elle est où ta chaîne Twitch ? Ouais. Il paraît qu'il fallait. Enfin, ta YouTube, chaîne YouTube. YouTube. Il paraît qu'il fallait t'engueuler. YouTube. Attends, parce c'est pas encore. C'est le 10 mars. J'avais dit le 10 mars. Donc là, je vais partir jours, sur. Sur en fait la chaîne que j'avais déjà, donc il y a 2-3 vidéos de graphisme dessus, donc j'ai 7 abonnés. Pouah. Bien joué. Attention. Ça commence bien. Ouais, c'est déjà ça, mais je vais simplement faire mes petits tests de vidéos là-dessus, donc avant le 10 mars, avant le 10 mars, allez, 11 mars, s'il y a des soucis d'upload et tout, il y aura une vidéo sur cette chaîne-là, donc c'est Create My Words, Donc je pars sur cette chaîne, quitte à en créer une derrière après, qui soit focalisée sur un thème en particulier. Et donc ça sera sûrement une analyse du jeu Iconoclast. Pour tester. Tu commences fort. Ouais. Donc pour tester justement à l'analyse de platformer. Mm-hmm. Donc je vais tester un format, je vais voir les retours, je vais avoir une sorte de playtest de vidéo pour prendre les retours, voir comment, quelles sont les axes d'amélioration et essayer de m'améliorer pour les prochaines. Voilà. Cool. Marie ? Ah ouais, oui, toi, t'as pas le droit. J'ai pas le droit d'en parler. T'as pas le droit d'en parler. Mais j'ai des news et quand je pourrai en parler, j'en parlerai. Très bien. Ben, quelque chose ? Les streams du dimanche, Je me tâte à dire la même chose, mais bon je sais pas, je suis sur plusieurs choses en ce moment. Ça, le stream du dimanche. Ça pourrait débloquer des choses, et puis oui, je continue à faire pas mal de streams avec les copains, pas moi directement. Donc je vous informe généralement sur Twitter de ça, donc suivez-moi sur Twitter, ce sera plus simple. Et c'est quoi le Twitter ? C'est @bendimanche. Ouais, parce que l'anonymat sur internet, c'est fini. Ok, ben rien de plus de mon côté, donc on va s'arrêter là. Merci Guillaume, merci Ben, merci Marie. Tous les liens utiles dans la description. Tous les liens utiles sont dans. Voilà, hashtag Blooper. Ça, c'est pas la peine non plus d'en faire trop. Je disais donc que tous les liens utiles sont dans la description du podcast sur la page de Radio Kawa. Vous pouvez d'ailleurs y retrouver l'intégralité de cette émission en écoute et téléchargement, mais aussi sur iTunes, Spotify ou quelle que soit votre application de podcast préférée. Il est possible de nous contacter via Facebook et Twitter ou dans les commentaires de la page d'Evan Retry sur RadioKawa.com. Et sur le même site, vous pouvez retrouver d'ailleurs un lien vers le Patreon de Radio Kawa auquel nous vous invitons à souscrire pour soutenir la création de podcasts indépendants. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous d'ici le mois prochain. Salut. Salut. Bisous. Ciao. Cassez-vous. 'Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.